Je sombre dans l'alcoolisme. Je sombre dans la drogue. Ma vie n'est plus depuis qu'elle est là. Tous les soirs c'est ma fête. Même mon chien n'en voudrait pas. J'ai pas de style, je suis nul au lit. Les gens me disent que je suis soumis. Ma meuf à moi, elle pète au lit. Et quand ça pue, elle me sourit. Elle me lit des poèmes d'amour. Et après, elle veut que je la bourre. Je suis jamais sûr d'y arriver. J'ai toujours peur de pas bander. Ma meuf à moi, c'est une info. C'est comme une info. Je prends de la coke, de l'estase, du MSD. Sinon je tiens pas toute la soirée. Sachant qu'après je vais voir m'halluciner. 300 kilos, 4 grammes dans le cerveau. Je me demande des fois si on ne s'est pas trompé. J'ai pas de style, je suis nul au lit. Les gens me disent que je suis soumis. Ma meuf à moi, elle pète au lit. Et quand ça pue, elle me sourit. Elle me lit des poèmes d'amour. Et après, elle veut que je la bourre. Je suis jamais sûr d'y arriver. J'ai toujours peur de m'abander. Ma meuf à moi, c'est une info. C'est comme une nymphe avec un O. Ma meuf à moi, elle est jolie. Comme un taureau anorexique. Ma meuf à moi, elle est jolie. Comme un lapin en Antarctique.